On s'écoute un micro ouvert avec Fernando et Jérôme qui font partie de Coursiers Wallons, transformé à la base c'était Coursiers Mosans. C'est devenu plus grand, c'est une plus grande équipe. On s'écoute ça tout de suite. Et, mais avant, qu'est-ce que c'est un think tank? L'invité business. Mon invité ce matin sur Radio Classique, Claude Bébéa. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le président de l'Institut Montaigne, un think tank qui a publié récemment un recueil de points de vue sur l'économie française. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Vous êtes la directrice de la fondation IFRAP, un think tank, on va dire, de tendance libérale. Le patron de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. La fondation Jean Jaurès, c'est quoi ? C'est un centre de réflexion politique. BFM Business, l'invité d'Edwige Chevrillon. Pour savoir quelle réforme des retraites faut-il, mon invité c'est Laurent Bigorgne, le directeur général de l'Institut Montaigne. Laurent Bigorgne, tout d'abord, première question. Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Bonjour Mathieu Ozano. Bonjour. Directeur du think tank de transition énergétique The Shift Project. Olivier Ferrand, vous présidez le club de réflexion, on dit think tank, Terra Nova, et plutôt proche du Parti Socialiste. Évidemment, on va commencer par la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis également en compagnie de notre invité Thierry Pech, qui dirige le think tank Terra Nova. Votre point de vue sur cette question de l'ISF? La Fondation pour l'innovation politique, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'Institut Montaigne, les GRAC, Terra Nova, voilà des noms qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire dans les médias, puisque ce sont les noms de certains think tanks qui ont pignon sur rue. Alors les think tanks, ce sont littéralement les réservoirs à idées. Et ce mois-ci, dans le monde diplomatique, Grégory Jepski, vous vous êtes demandé qui se cache derrière les think tanks. Alors, si on remonte un peu en arrière, l'apparition des think tanks, ça remonte à quand? Ça remonte aux années 80, c'est ça? Alors, en fait, des think tanks, il en existe, il en apparaît bien avant les années 80. Tu te focalises sur les think tanks français, alors que on pourrait avoir une approche peut-être un peu plus internationale, qui est pas celle de l'article dans le monde diplomatique, mais aux États-Unis, des think tanks, il en existe depuis fort longtemps, bien avant les années 80, des grands think tanks sont notamment créés après la Seconde Guerre mondiale, mais pour prendre peut-être un exemple moins connu, en Allemagne en particulier, on a des fondations liées aux grands partis politiques qui apparaissent là encore bien avant les années 80. La plus ancienne des grandes fondations politiques allemandes, c'est la fondation Friedrich Ebert, qui est une fondation liée au SPD, au Parti Socialiste Allemand, qui est créée en 1925. Et pour revenir quand même en France, parce que c'était le sens de ta question, en fait, en France, des cercles de réflexion, des sociétés de pensée, on en crée, il en existe dès les années 30. On peut prendre l'exemple d'X-Crise, qui, comme son nom l'indique, est un groupe de réflexion qui mobilise principalement des polytechniciens. On peut prendre d'autres exemples. Dans les années 60, le club Jean Moulin est un cercle de réflexion qui va avoir une vraie influence. Et puis, plus proche de nous, mais là, on commence à s'approcher des années 80 que tu évoquais, il faudrait mentionner aussi le cas du Club 89 ou du Club de l'Horloge, qui sont en fait donc des cercles de réflexion qui vont accompagner la droite française dans sa conversion au libéralisme, comme l'établissent les travaux du sociologue François Denord. Mais en effet, dans les années 80, au fond, apparaissent un certain nombre de tendances de fond qui vont finalement favoriser l'essor des think tanks que nous connaissons aujourd'hui et qui sont effectivement aujourd'hui omniprésents dans le débat public. Vous disiez que les think tanks ont accompagné la conversion de la droite au néolibéralisme, mais ils ont aussi accompagné la conversion de la gauche au néolibéralisme dans les années 80. Oui, en effet. Et il y a une fondation en particulier qui est vraiment emblématique de cette conversion de la gauche. C'est bien sûr la fondation Saint-Simon. Alors, qu'est-ce que c'est la Fondation Saint-Simon ? La Fondation Saint-Simon, c'est donc une société de pensée, un cercle de réflexion qui est créé en 1982 par deux universitaires, l'historien François Furet, le sociologue Pierre Rosanvallon, et puis par deux hauts fonctionnaires, qui sont en fait des hauts fonctionnaires très proches des milieux patronaux, Alain Minc et Roger Fauroux, qui sera le PDG de Saint-Gobain, donc un grand groupe, un groupe important du capitalisme français. Et en fait, cette fondation, pendant une grosse quinzaine d'années, elle va œuvrer à cette conversion de la gauche au libéralisme, parce que finalement, les travaux de la Fondation Saint-Simon s'inscrivent dans une double perspective. D'une part, il s'agit de un rapprochement entre deux univers, le monde académique et le monde de l'entreprise. D'autre part, il s'agit aussi, en effet, de dépasser certains clivages politiques en rapprochant la gauche intelligente de la droite intelligente. Et bien sûr, là, il faudrait mettre des guillemets un peu partout. Et toi, en fait, tu t'appelles ? Fernando. Fernando. Fernando et Jérôme. Micro. Donc on se retrouve comme ça dans ouvert. Un petit local du coursier Mauzan. Donc c'est Jérôme, on y va de but en blanc, hein, qui développe le coursier Mauzan. Le coursier Mauzan, je le dis avec Momo, après tu le diras avec les tiens. C'est le gars qui se dit... Bah alors il y a déjà 7-8 ans, hein, c'est pas maintenant. 2011. Le gars qui se dit, ça commence sur Namur évidemment, puisqu'il est de Namur. Enfin, je suppose. Et du coup... J'habite Jambes, les Jambois pourraient être vexés, mais... Je suis Jambois. D'accord. Et donc, tu lances cette idée de faire... comment coursier... mais tu lances cette idée de transporter des choses via ton vélo, ce qui était évidemment encore moins courant il y a 8 ans qu'aujourd'hui, quoi. C'est clair. C'est toi qui lances cette idée sur Namur. D'abord, ça, j'avais envie de... On s'est déjà rencontrés, hein, Jérôme ? Ouais. Il y a 8 ans, d'ailleurs. Ouais, j'avais envie de voir comment c'était développé, mais que tu rappelles un peu, c'est quoi cette idée ? D'où ça vient, cette idée, quoi ? L'idée, elle vient en partie... Moi, je travaillais dans une assoce qui fait de la sensibilisation à l'environnement. Donc, j'étais quand même déjà bien baigné dans les questions, tous les enjeux liés à la mobilité d'un point de vue environnemental. Donc, c'est quelle assoce, pour savoir ? Empreinte, une SBL ici de Namur. Et donc, au niveau privé, je me déplaçais à vélo et j'avais déjà fabriqué une remorque pour transporter des trucs, faire mes courses et ce genre de trucs. Enfin voilà, c'était déjà quelque chose que j'avais un peu initié juste pour moi. Et par ailleurs, j'avais rencontré Damien Lescal, fondateur de Dioxyde de Gambette, qui est une entreprise de livraison à vélo à Bruxelles. Mmh. Et Damien, il avait lancé ça à Bruxelles, si je ne me cours pas, 2008-2009. Et donc, quand je le rencontre en 2010, ben, il avait déjà un peu d'activité. Et puis, voilà, très spontanément, il m'a invité à venir rouler un peu à Bruxelles, à voir ça de l'intérieur. Et là, je me suis dit, faut faire ça à Namur. Et donc, ça, c'est vraiment comment est arrivée l'idée. Et sur base du constat, ben, je veux dire, en tant que cycliste quotidien, on regarde les voitures qui se déplacent à 20 à l'heure dans une ville et on se dit, c'est quand même dommage. Et en plus, il y a moyen d'amener ça sur le plan économique et d'en faire une activité viable. En tout cas, à l'époque, je le croyais encore que ça allait être rapide, mais on va vers ça quand même. On en parlera après. Et du coup, là, je me suis dit, ben ouais, j'avais vraiment envie de lancer ça dans ma ville. Et j'avais aussi cet élan de suivre un peu ce parcours de la création d'activités. Et donc, voilà, j'ai fait un peu les démarches pour démarrer en couveuse. Le coursier Mauzan, qui... offre toujours du transport de marchandises en ville, à vélo. J'ai lu aussi que tu étais éducateur, c'est vrai ? Ouais, j'ai travaillé comme éduc, mais j'ai fait des études d'instituteur. Et j'ai travaillé comme éducateur dans le secondaire. Ouais, avant de lancer le coursier, ça a été un de mes boulots. Tu as fait un tour du monde aussi ? Bah, ça, c'est de la légende. C'est la légende, je me suis arrêté avant, j'ai fait demi-tour. Ouais, je me suis arrêté en Uruguay. Mais non. Bah, pas loin. Bah, avec un ami, on est allé en Amérique du Sud en voilier. Et puis, j'ai pas continué le tour. Je suis rentré. Mais j'ai voyagé beaucoup, ouais. C'est génial parce que pour les plus jeunes, t'as fait le tour du monde. C'est ça qui reste. Ouais, c'est. Enfin, on va pas. J'expliquerai plus tard. Mais alors, lui, tu rigoles, Uruguay, parce que Fernando est uruguayen. Uruguayen. Uruguayen. Ah ouais. Uruguayen. Oui. Ouais. Voilà. Non, mais, que fait Fernando à tes côtés alors, du coup, Jérôme? Mon ami d'abord, Fernando, qui est mon collègue. Depuis le mois de mai cette année, puisque à l'occasion d'un gros contrat de travail pour un nouveau client, on a pu pérenniser une collaboration qui était ponctuelle déjà à l'époque. Et donc voilà, je vais le laisser expliquer peut-être après. Mais on va aussi comprendre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc tel gars qui lance, influencé alors du coup, inspiré par Gambetta, quoi, ouais. Et du coup, qui se dit, moi aussi, je lance mon bazar, voilà. Ça met combien de temps à te rendre compte que ça roule? Mais déjà pour toi, parce qu'en fait, c'est déjà ça, ça marche pour toi. Ça marche pour toi dans le sens que tu arrives à en vivre, quoi. Voilà, voilà. Basta, tu arrives à en vivre. Ça quoi? Ça prend combien de temps de réaliser ça? J'aime toujours bien un peu pondérer... Cette vérité économique de dire bah maintenant ça roule parce que alors c'est toujours à double tranchant, c'est assez nul en niveau de com de dire qu'on galère et en même temps j'aime pas du tout de rester sur tout le temps donner l'impression que tout fonctionne bien. Dans les faits aujourd'hui voilà, Coursier Wallon est devenu une société. On a su réunir un certain capital de la part de différentes personnes qui ont décidé de soutenir financièrement le projet. On a pu créer de l'emploi. Dans les faits, pour moi, ça fait 8 ans que je gagne beaucoup moins ma vie que ce que j'ai gagné ma vie auparavant. Et les emplois concrets, on a deux collaborateurs qui sont plutôt sur, en tout cas, une durée indéterminée, même si on est toujours... à enchaîner les CDD actuellement, mais pour le reste, voilà, ça roule pas encore le transport à vélo, nulle part. Il y a aucune société vraiment en Belgique, même si certains commencent à vraiment avoir une assise économique intéressante, mais ça reste un secteur qui est hyper précaire, où il y a de nombreux projets et de structures qui sont portés avec. Parce qu'il y a des gérants indépendants qui ne comptent pas toutes leurs heures et donnent encore beaucoup de volontariat dans leur truc et acceptent de faire avec un revenu moindre. Mais ceci étant dit, je trouvais important de nuancer. C'est clair que moi, ça me permet de trouver un bon équilibre et de pouvoir en vivre effectivement à temps plein. Et donc, j'ai un statut d'indépendant depuis 6 ans que j'arrive à assumer. Et donc ça, c'est intéressant. Alors, combien de temps ça met? Ça a mis pour toi. C'était surtout l'idée de se dire, quoi, ça roule, ça roule pas. Moi, j'aurais tendance comme ça de l'extérieur à dire, mais enfin, ça roule, Jérôme. Okay. Il y a 8 ans, je te rencontre. Là, maintenant, t'as carrément une petite structure. T'as plusieurs personnes avec toi. Combien de personnes avec toi? Là, on est au plus fort de l'histoire du coursier, puisque on est au total 9. Donc, j'ai un associé avec moi qui a lancé l'activité à Mons. Donc on est deux associés indépendants et donc 7 personnes salariées à temps partiel. Malheureusement, il y a 3 de ces emplois qui vont en tout cas s'interrompre de manière imminente puisque on avait un gros contrat qu'il était prévu qui soit voilà à durée déterminée et donc on ne s'est pas prolongé ces 3 emplois-là, donc on va repasser à 6. Et donc parmi ces donc si je compte bien, c'est 4 personnes qui resteront avec nous, avec Olivier et moi. Il y en a 3 dont le boulot c'est principalement réaliser les livraisons et on accueille depuis peu dans l'équipe Gaëlle qui elle vient vraiment pour du renfort administratif, organisationnel qui nous permet vraiment de déléguer une partie des tâches. Olivier et moi, à un moment donné, on se fait un peu noyer. Forcément, on roule moins qu'avant. On pourrait se dire qu'on se consacre à temps plein par rapport à ça. Mais l'essentiel, c'est de garder du temps pour continuer à démarcher des clients potentiels, puisque ça manque. Aujourd'hui, ça roule, mais la société est en perte. Et donc, voilà. La société, tu veux dire le coursier wallon. La coopérative. Voilà. Ouais. La coopérative, maintenant. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ben voilà, maintenant que c'est un peu brossé le portrait, n'hésite pas à réagir et à dire quelque chose, hein, si jamais, Fernando. Parce que tu as dit que tu n'aimais pas trop parler. Hein. T'as dit. Bon, voilà. Il dit toujours ça au début, c'est ça que tu dis. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. J'ai une discussion comme ça très basique avec quelqu'un qui me faisait prendre conscience que, bah oui, au fond, c'est quoi la différence entre un coursier wallon et les Uber, les Deliveroo, tous ces vélos. Moi, je les vois comme des vélos business, quoi, évidemment. Vous pas, mais peut-être pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça. Voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre des mots, on pourrait argumenter un peu pour expliquer non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Pourtant, votre but aussi, c'est de faire du business, quoi. C'est de trouver des clients potentiels, tu vois. C'est toujours ça aussi, le monde dans lequel on est, tu vois. On est quand même un monde de fric, et on aurait envie, pour contrer ce monde, d'y mettre de la valeur, quoi. Voilà, j'ai envie de poser cette question. C'est quoi vos valeurs, au fond, par rapport à Uber, un Deliveroo, voilà. Ça te fait chier, la question ? Non, elle est super. J'adore le sujet. J'adore ce sujet-là. Effectivement, ça se situe au niveau des valeurs. Au niveau du coursier wallon, il y a l'envie d'ancrer l'activité localement, de ne pas perdre ce lien avec, avec le territoire où on évolue. Même si une multinationale t'appelle, c'est pour rigoler que je dis ça, mais ouais. Est-ce que tu es bien conscient que, t'imagines, tout le pognon, demain, j'invente, hein ? Parce que c'est toujours la question, en fait, quand on développe comme ça, on est créatif, on invente son truc, voilà, ça permet d'en vivre. Après, on prend une, deux, trois autres personnes. Puis après, tu sais, on veut que ce soit encore plus. Et voilà, et on est parti en fait dans le même schéma que les gros. On va être amené à faire des compromis par rapport à ces valeurs à un moment parce qu'on grandit. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est genre, ou peut-être, mais en tout cas, c'est quelles sont vraiment vos priorités, ce vers quoi vous voulez absolument pas aller, parce que sinon, oui, t'as montré que c'était possible de faire du coursier. Mosan à Wallon, hein, c'est pas la même démarche. Les Wallons, c'est genre je collabore, je fais une coopérative. Il y a plusieurs personnes qui vivent du coup aussi sur cette énergie, sur cette créativité, c'est très bien. Et en même temps, vous proposez carrément autre chose, quoi. C'est vraiment, moi je trouve ça super intéressant. Et c'est génial, et c'est dangereux aussi quelque part. De nos jours, tu vois, avec des bagnoles qui tracent et tout. Mais jusqu'où vous êtes prêt à aller, ou c'est quoi la différence, puisque de toute façon c'est aussi faire du business. Mm-hmm. Voilà, tu vois, c'est... Alors ouais. Que vous proposez un service génial à la base. Je dis génial, pourquoi ? Parce que c'est libre, quoi, quand même. Moi, je sens que ma vision par rapport à ça, ma réponse il y a 8 ans, elle aurait été opposée à celle que je vais te faire là. Heureusement que c'est du business, ce qu'on fait. Heureusement que ça s'ancre dans l'économie marchande. Heureusement qu'on prend place dans ce monde économique. Parce que je pense qu'il y a une série de valeurs qu'on veut y intégrer à ce monde économique. Et qu'à un moment donné, si on ne va pas dans l'arène, pour moi, on peut ne faire que partie des commentateurs au comptoir qui critiquent ce qui se passe, mais ils vont pas mettre les mains dedans, quoi. Et donc, pour moi... Mais quand tu dis les mains dedans, c'est quoi exactement ? Dans un secteur marchand, dans un secteur économique qui doit être rentable, qui doit faire du bénéfice, qui doit grandir un minimum. Et donc, c'est là où peut-être il y a des nuances à apporter. C'est pourquoi est-ce qu'on grandit ? Pourquoi est-ce que l'activité grandit ? Pourquoi est-ce qu'on passe de Mosan à Wallon ? Pourquoi est-ce qu'on passe éventuellement de Wallon à plus grand ? La question du pourquoi est essentielle là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, quand on grandit et qu'il y a des opportunités économiques à grandir, est-ce que on se pose la question, est-ce qu'on ne fait pas un certain compromis sur les valeurs qui sont les nôtres au départ ? Je ne crois pas forcément, mais peut-être que parfois, on peut être amené à se dire, ouais, mais bon, quand même, là, ça vaut le coup, et donc, tant pis, on ne va pas trop respecter ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'en est clairement pas là. Hein. Nous, on en est... pour revenir à ta question de c'est quoi la différence par rapport à d'autres livreurs à vélo qui vont être les livreurs de chez Uber Eats et Deliveroo, elle se situe essentiellement sur la qualité de l'emploi et le statut des travailleurs. C'est d'abord là où les travailleurs de Uber Eats et Deliveroo sont sur un mode de travail à la tâche. Ils sont pas payés pendant le temps d'attente. Ils sont payés quand il y a du boulot. Et s'il y a 2 heures entre deux courses, ben ça a leurs frais. Je veux dire, ils sont travailleurs indépendants par essence, sans, je vais dire, structure comme une société coopérative, selon moi, qui vient du coup rassembler les gens et pour pouvoir faire tampon, quoi. Il n'y a pas de tampon entre un coursier Uber Eats et son employeur, et qui n'est pas son employeur en fait. Qui lui fait croire qu'il est indépendant, hein, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et en plus, il y a des gros contournements de la réglementation sociale par rapport à ces sociétés-là, qui dans plusieurs pays d'Europe se font quand même attaquer en procès et en perdent une partie. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que nos États laissent un peu faire ces choses-là. Et donc, je veux dire, la différence, c'est que... quelqu'un qui travaille au coursier wallon, il est sous un régime salarié, il est repris dans la commission paritaire du transport, qui peut être critiquable à plein de niveaux. Je veux dire, on peut aussi revendiquer des choses d'un point de vue syndical, etc. Et je pense qu'il y a des choses à revendiquer. Néanmoins, il y a une série de conditions qui sont respectées par rapport à ça. Il y a une protection, en fait. Ouais. Dans votre plan, dans votre coopérative, il y a quand même des protections. Si je comprends bien. On ne l'a pas inventé, ça s'appelle le salariat, ça s'appelle les conditions de travail, ça, je dirais, et donc on s'inscrit là-dedans, et on estime que c'est important de conserver ces règles du jeu-là. La difficulté, c'est qu'effectivement, quand on voit apparaître des grosses sociétés qui contournent la réglementation sociale de chaque pays pour pouvoir finalement avoir un prix de revient du travail moindre, de manière à proposer des services sur le marché moindre, et créer une bulle qui ne dépend que du fait que ces travailleurs acceptent plus ou moins consciemment le fait d'être précaires, ben là, ça devient compliqué. Parce que nous, on va avoir des coûts qui vont être 2 à 3 fois supérieurs que eux, en fait, en termes de main-d'œuvre. Et dans notre métier, c'est la main-d'œuvre. C'est pas le prix du vélo, c'est le temps de travail. Et donc c'est là que ça se passe principalement. Et donc c'est là où nous, on souhaite se démarquer par rapport à ce genre de société qui néanmoins pourrait devenir un client de coursier wallon. Et c'est là où aujourd'hui je fais la nuance, c'est qu'à un moment donné, si ce genre de société souhaite mettre en relation le secteur Horeca, qui s'est taillé quand même une solide part de sa marge à fonctionner avec eux, mais voilà... C'est aussi toute une question de la part du restaurateur ou du snack de bosser pour ce genre de boîte. Mais si cette société Uber Eats souhaite mettre en relation l'Horeca avec ses clients et qu'ils ont besoin d'un prestataire de service, je dirais, ça s'appelle un client pour nous. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le prix qu'ils proposent ou pas ? Ça, c'est en tant que société qu'on va prendre la décision. Mais on ne va pas faire assumer à nos travailleurs le fait qu'on travaille par un client qui ne paye pas bien. À un moment donné, si on a un client qui paye trop mal... pour que nous, on paye le salaire, on va refuser le client. Avec le paradoxe que du coup, on n'aura peut-être plus assez de travail pour notre travailleur. Et donc, c'est une équation compliquée, quoi. Je comprends bien. Et donc, vous pourriez refuser un client parce qu'il ne propose pas assez d'argent. Est-ce que vous pourriez refuser un client parce qu'il propose de la bouffe de merde, par exemple? c'est un peu le... Ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est important, ces discussions, parce que... Mais comme tu disais, j'aimais bien le début, tu disais oui, mais on a envie aussi d'aller jouer dans l'arène, quoi. On a envie d'aller se bagarrer contre ce gros système-là, tu vois, évidemment. Mais jusqu'où ? Parce qu'après, du coup, tu te noies dans le truc et alors tu deviendrais comme eux et tu t'en rendrais même pas compte. Est-ce que toi, j'aime bien les questions éthiques, est-ce que toi tu vas cautionner le mode de fabrication de tout le matos et de tous les vêtements que tu es en train de porter, quoi? Non, c'est pas la même chose. Moi, en fait, oui, je comprendrais si tu me posais la question. Oui, mais toi, tu irais interviewer des gros capitalistes qui font du business, de la politique. Mais moi, ça m'emmerde. C'est déjà dans les médias habituels. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde? On n'apprend rien. Là, ça me parle. Tu vois, l'exemple, il est comparable de ce point de vue-là. Ouais, c'est bien beau. Non? Non, je suis d'accord. Moi, justement, ça m'intéresse de rencontrer les gens comme toi qui sont créatifs, qui inventent des manières de se déplacer, de transporter. Super, quoi. Rappelle-toi, quand t'as démarré, là, tout de suite, je me dis, il faut que je le rencontre, ce type. C'est quoi Bon, maintenant, t'es beaucoup plus installé, on va dire. Et j'adore aussi quand tu dis, il y a 8 ans, j'aurais refusé, mais maintenant. Mais ils disent tous la même chose. C'est vrai? Oui. Quand ils vieillissent, ils font « Ouais, quand même, on s'est assagi. » Tu vois ce que j'ai dit ?« Quand même, on combine maintenant, on fait des compromis. » Tu vois ce que je veux dire ? Mais je ne les appelle pas compromis, par contre. Je pense qu'il y a 8 ans, j'étais un peu con au point d'accepter de mourir économiquement au prix d'un respect de certaines valeurs. Et je pense que ça aurait été un peu con. D'accepter, pour lui j'ai pas envie de bosser parce que je respecte pas ce qu'il fait, donc je préfère le laisser livrer en camionnette, c'est ça que je veux dire en fait. Hein. Donc à un moment donné, y a une réalité, c'est que toute entreprise qui fait aujourd'hui des livraisons, si à un moment donné Coursier Wallon refuse de travailler pour lui sur une série de principes éthiques parce qu'on ne cautionne pas son projet économique peut-être ou qu'on voilà qu'on en tout cas mais oui ce serait ça quand même parce que les gens qui transportent des trucs dégueulasses parce qu'après ce serait quoi qui oui parce qu'ils payent pas convenablement ça aussi tu vois je trouve que c'est on n'est pas un label quoi j'estime qu'on est on n'est pas un label à un moment donné et que ça devient une équation pour moi impossible à un moment donné, de commencer à, de notre côté, à assumer nos responsabilités d'entreprise, d'employeur, et de promouvoir, en tout cas, le transport plus responsable et qui s'intègre mieux à une ville et qui permet d'aller vers un modèle où il y a plus de place à autre chose que les mètres carrés qui sont dédiés à la voiture aujourd'hui en ville. Voilà, ça, c'est notre projet. Si on commence à inclure là-dedans les considérations par rapport à notre client... Tu ne fais pas de politique, c'est pour rire que je dis ça. Je pense qu'on ne sait pas résoudre l'équation, en fait. Je pense que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est un peu là où j'en suis. Tu veux dire que ce n'est pas possible de déjà mener de front ces missions-là, de faire du transport autrement, d'avoir des salaires convenables? Et je sais plus quoi d'autre. En tout cas, on n'a pas trouvé la clé. C'est comme je te disais, prenons l'exemple d'un de nos clients paysans-artisans qui est le secteur de la production alimentaire est un secteur qui me tient fort à cœur. J'adore leurs projets, j'adore les producteurs qui rassemblent. Enfin, je veux dire, on a sur un projet qui là est porteur de beaucoup de sens. Si on fait la sélection uniquement sur base de ce genre de projet, on ferme. Et voilà, ça pourrait être un choix. Mais qu'est-ce qui reste du coup comme option? C'est que derrière, il n'y a pas d'option. Donc je pense que ça vaut plus la peine d'augmenter le nombre de vélos de transport et à un moment donné, d'avoir les reins assez solides ou d'avoir une assise économique qui nous permette de favoriser les projets qui ont du sens pour nous. Aujourd'hui, on est incapable de faire un seul % sur nos services à un projet qui a du sens pour nous parce que ça tourne pas assez, parce qu'on cherche le volume. Et donc à un moment donné, je trouve que ce débat-là, de se dire « Ah non, je roule pas pour lui parce que là, j'adhère vraiment pas à ce qu'il fait. » C'est une bonne question, n'empêche, non? Non, mais on a besoin de travail. On vit de notre travail, donc voilà. Et on a besoin de travail, donc... Et voilà, et les coursiers wallons, c'est un instrument orienté à respecter l'environnement, et certaines façons de décider, ça veut dire on participe de les décisions où on est informé, on peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Là, tu parles de l'équipe interne, quoi, oui, hein, de coursiers wallons. Je parle de l'équipe, de comment on fonctionne et comment l'entreprise elle est orientée. Mais voilà, mais la réalité, c'est qu'on vit dans un monde qui ne donne pas la totale liberté de faire 100% notre choix. On doit accepter, voilà. Donc en fait c'est ça. Il faut faire évidemment des concessions, mais voilà, ce sont pas des concessions qu'on fait à la réalité. C'est pas qu'on fait des alliances avec une multinationale qui pourrit l'environnement paye n'importe quoi à ses employés ou qui extorsionne de certaines façons les gens qui travaillent voilà, mais Fernando, moi ce que je veux dire, et c'est une véritable question et intéressante comme tout, hein, ouais. C'est pas que vous qui devez sûrement vous la poser cette question, tu vois, il y a plein de gens, mais ce que je veux dire, c'est quand même, quand tu dis on ne travaille pas pour une multinationale, quand même, mais si, quand même, parce que Lidl, parce que les trottinettes électriques, les contrats que vous pouvez avoir, c'est direct les multinationales, quoi, tu vois. Après, vous petits coursiers wallons, évidemment, qu'est-ce que c'est que c'est, comment faire, quoi, c'est une véritable question. J'en sais rien, moi, hein, c'est facile, je suis de l'autre côté, moi, voilà. Non, mais maintenant, existe un moyen de transport que peut-être certains entreprises nettement capitalistes, ils ont sur la table un choix. Ça veut dire existe un moyen de transport conçu autrement. Plus rapide, plus fort, c'est ça ? Plus propre. Ils s'en foutent un peu. Hein. Plus sympa. Oui, mais bon, mais si... Plus propre, je crois qu'ils s'en foutent. C'est parce que c'est la tendance. C'est voilà, c'est qui ils ? Ben ils, c'est ceux qui ont le pouvoir de décider de mettre leur thune là-bas pour, enfin, de voler l'argent de la masse pour la mettre là-bas pour que ça revienne directement dans leur poche. Enfin, clairement, il y a des gens qui gèrent le monde. Vraiment, il y a des gens qui prennent des décisions, qui sont au-dessus des lois et qui pompent les gens, quoi, hein, qui pompent leur travail. Mais les choses, ils ont changé dernièrement. Ça veut dire, il y a une autre conscience par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution, par rapport à les conditions de travail. Et voilà, c'est peut-être avant, la manière pour un ouvrier de gagner sa vie, c'était travailler plus de 10 heures par jour ou 15 heures par jour. Et maintenant, il y a une autre... il y a beaucoup plus d'informations et peut-être il y a plus de gens qui sont disponibles à travailler un peu moins et à regarder le niveau de vie autrement. Ça veut dire niveau de vie, c'est pas avoir un niveau de consommation. Niveau de vie, ça implique des autres choses. Et bon, et avant, il n'y avait pas l'intérêt, parce que peut-être fait 20 ans, 30 ans, ou même 50 ans arrière, penser à un système de transport comme ça, c'était un peu complètement illusoire. Et maintenant, il y a un sens. Ça veut dire qu'il peut y avoir des entreprises, je ne sais pas si trop grand, mais qui veulent avoir un profil propre, hein, plus humain. Et pour ces gens-là, existe le coursier wallon. Ça va, Jérôme, t'es perturbé? Ouais, je t'ai perturbé un peu là. C'est une question vaste. Hein. Mais de toute façon, c'est pas contre toi personnellement. Hein. C'est une question où on se pose tous ces questions. C'est-à-dire jusqu'où je suis prêt à me. C'est bon mot, fourvoyer. Jusqu'où je suis prêt. Retourner ma veste, quoi. Ouais. Mmh. Mais là, moi, je crois pas que tu as retourné ta veste. Hein. Du moins, pas complètement. Mais pas encore complètement. En fait, cette question-là, c'est ce regard que je porte sur qu'est-ce que ça veut dire retourner ma veste. Et moi, ce que là où je te dis que j'aurais répondu vraiment différemment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de me désolidariser et de rentrer dans cette séparation des deux mondes. On va vite, tu vois, pour décrire ce qui ne va pas bien dans notre monde ou dans le monde économique, on va pointer du doigt les gros qui globalement vont prendre le rôle de méchants parce que c'est des multinationales. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, parce qu'une boîte a grandi au niveau international, elle est foncièrement mauvaise dans ce qu'elle fait, en fait, il n'y a pas forcément de lien là-dedans, mais je veux dire, Le petit artisan va incarner un peu, tu vois, cette figure du petit pousset ou du David contre Goliath. Et le milieu alternatif, de manière générale, a complètement, je vais dire, intégré cette belle histoire, qui est une belle histoire. Mais je crois que dans les faits, aujourd'hui, personnellement, je ne me retrouve pas dans me dire je vais rester tu vois le petit pousset et c'est ça qui va faire que mon action va être juste et surtout je vais pas rencontrer l'autre là parce que lui il est foncièrement méchant. Je pense que c'est trop caricatural comme analyse et en tout cas moi ce qui me plaît aujourd'hui c'est vraiment d'être plus dans d'en reconnaître que, en tant que citoyen belge, j'ai ma part à assumer de notre système économique et que j'ai pas envie de m'en dissocier. Parce que, en fait, on est tous sur une espèce de planche de surf qui a été lancée à une époque où ces questions-ci ne se posaient pas. Et donc. Oui, on doit assumer... Les questions si ne se posaient pas, de quoi tu parles ? Les questions justement, je vais dire, de... Bah, elles ont toujours été là, mais elles étaient vraiment en marge de marche, quoi. Ouais, tout à fait. Là, elles viennent sur l'avant de la scène. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une série de structures économiques, qui sont des structures qui sont aujourd'hui très prospères, parce que ça fait longtemps qu'elles ont été créées, ça fait longtemps qu'elles ont pu grandir. Mais je vais te prendre juste un des gros exemples. Il n'y a pas longtemps, dans les différents réseaux... que j'ai l'occasion de fréquenter pour développer des projets en transport et logistique. Je me retrouvais à une table avec une personne de chez Total. Et Total est une belle emblème. Je veux dire, à un moment donné, si on veut pointer du doigt des grosses multinationales qu'on a envie d'accuser de foutre le bordel, bah, Total en est un bon client quoi, de ce rôle. Et en attendant, la personne que je rencontre, c'est un père de famille, je veux dire, ses enfants sont impactés par la qualité de l'air, et il pourrait se dire, bah, écoute, moi, pour respecter mes valeurs, je ne travaille plus pour Total. Il y a quelqu'un qui va venir à sa place. Le fait qu'il n'y soit pas va avoir à peu près zéro impact, et alors on pourrait dire, bah ouais, mais en attendant, il faudrait qu'il n'y ait personne qui prenne cette place-là. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, parce que cette société, elle est aussi produit de tout le monde qui va à la pompe pour prendre son carburant, quoi. Et du coup, ce qu'on a du mal à accepter, enfin moi j'ai l'impression, je parle pour moi, ce que j'avais du mal à accepter, c'était justement ce lien. J'accepte d'être complètement boulonné à tout ce qui se passe autour de moi, même les choses avec lesquelles je suis en désaccord. À un moment donné, toute action que je vais avoir, elle va contribuer à maintenir ou pas ce système-là. Et du coup, essayer de résoudre cette équation en voulant se dissocier, en voulant couper les trucs avec ce système que j'ai pas envie d'accepter. Personnellement, c'est plus la voie qui me plaît. Je préfère être à sa table et discuter avec lui. Je préfère sentir comment ça fonctionne, ce genre de boîte. Et je préfère savoir qu'il y a des gens dans ce genre de structure qu'on va pas réussir à faire imploser demain. Et que je pense pas que ce serait la bonne voie. Je préfère savoir qu'il y a des gens qui pensent et qui sont en discussion et qui avancent. Mais voilà. Mais moi, je vais te donner ma vision en quelques mots. Avant, je pensais comme ça aussi. La caricature du gros là-bas tout en haut et le petit pousset, toi, c'est le mot que t'as. Le petit pousset, ouais, enfin, le petit pousset ou le petit, le gros, tu sais. Je pensais ça aussi, que les gens. C'était souvent. Le discours ambiant, la caricature, quoi. Et en fait, petit à petit, chez moi, il y a une conscience politique qui s'est réveillée, pas politique au sens partisane de couleur, hein, genre... vous voyez ce que je veux dire, hein? Mm-hmm, oui. J'ai lu des bouquins, j'ai essayé de comprendre comment le monde fonctionnait, et en fait, oui, les multinationales, c'est vraiment des gros salauds, même avec des enfants et avec leurs femmes, quoi. Que si tu regardes vraiment l'état du monde, mais je le dis vraiment, et je souhaite aussi, quand tu regardes l'état du monde, la géopolitique, il y a des guerres qui se font parce que des multinationales sont là autour de la table, ils n'en touchent pas une pendant... Enfin, moi, je suis vraiment dégoûtée, révoltée, je l'étais déjà, tu vois, mais maintenant que je peux mettre des mots, que je vois comment ça fonctionne, tous les enjeux qu'il peut y avoir, je me dis, mais attends, on n'est pas là pour rigoler, hein. Il y a des gens de l'autre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, quand tu dis, oui, on est tous là à aller chercher la pompe à l'essence. Mais oui, mais on nous a poussés dans ce système, quoi, tu vois. Allez, je caricature moi aussi. Et je dis qu'on vivait dans nos grottes, hein, avant. Tu vois? On était solidaires et il y avait du feu et on allait chasser la cueillette et machin. Je sais que ça paraît... c'est caricatural, tu vois. Mais il y a tout un système qui s'est mis en place petit à petit. Hein, et, enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut aussi peut-être analyser. Ce n'est pas comme ça, les méchants d'un côté, les pauvres de l'autre. Non, il y a tout un système. Et tu te demandes aussi comment ça se fait qu'il y a des gens... Quoi, ils sont nés riches. D'où ça vient, toute cette richesse, quoi? On part tous des grottes, quand même, tu vois. Il n'y en a pas qui sont nés, qui sont... tu vois ce que je veux dire? On vient tous des grottes, on a tous vécu dehors. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y en a... Qui sont riches aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment la question, quoi. Mmh. Voilà. L'idée, c'était de rencontrer le coursier Mauzan. Il reste 10 minutes. Ouais. L'idée, c'est de... Moi, je n'ai pas de réponse, mais j'ai surtout le fait qu'il ne faut pas avoir peur d'être créatif et d'inventer des manières. Je ne crois pas. Tu vois, souvent, il y a la petite friterie. Je prends aussi cet exemple-là. C'est vrai, si je viens te rencontrer, c'est parce que c'est des véritables questions qui m'intéressent. Hein. Je vois la petite friterie, tu vois, elle est sympathique, la petite friterie, elle fait des bonnes petites frites, on est là, tu vois, c'est chouette. Ouais, ouais. Puis la petite friterie, tu vois, elle va avoir envie de s'agrandir, la petite friterie. D'avoir des gens qui travaillent pour le patron, tu vois. Ouais. Parce que c'est le système-là qu'on propose. Faites plus grand et ayez aussi des gens à votre service. Ça, c'est la classe. Tu vois, dans le système capitaliste économique, hein. Mais moi je dis, si jamais un jour je développe mon truc, j'aurais envie de le partager, ça c'est sûr, mais je développerai autre chose, quoi, que cette image du mec ou de la gonzesse, tu vois, qui montre qu'il est quelqu'un, parce que voilà, regarde, maintenant j'ai plein d'employés à mon service, ça marche mon truc. Et c'est toujours aussi du bis, quoi, hein. Il faut que ce soit rentable, ça marche, qu'on vende, voilà. J'ai pas de réponse, moi, et comme le projet là, il est génial, voilà, j'avais envie de poser... Je vais juste revenir sur le patron de ta petite friterie, il fait probablement 80 ou 100 heures semaine. Parce qu'il a qu'une seule friterie et qu'il doit vivre sur une seule friterie. C'est pas sûr, ça, hein. Parce que tu dois te dire, attends, j'ai déjà pensé à ça aussi. Mais il a sûrement mis de la thune de côté parce que ça rapportait bien la frite et il s'est dit, maintenant, je suis prêt à agrandir. Tu vois, donc à mon avis, ça cartonnait bien ces frites. Bah, parce que si ça marche pas, ça tombe. Une friterie indépendante et de voir un petit peu c'est quoi réellement sa réalité d'indépendant. Et je pense que. Mais qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, en fait, comme ça, dans le... dans l'absolu Ben, je pense que c'est pas parce qu'une activité se développe et qu'il commence à y avoir des personnes qui sont employées et qu'il y a... C'est vrai qu'actuellement, c'est beaucoup des structures assez hiérarchiques qui se reproduisent, et ça, je trouve ça intéressant de les questionner. Mais à un moment donné, c'est une source de bien-être pour la totalité des travailleurs d'une structure que d'être une plus grosse structure, quoi. Il y a une mutualisation interne qui se passe. Si on n'avait qu'un seul vélo, je veux dire, c'est une vision assez romantique, mais économiquement, c'est l'indépendant qui se maintient dans un seuil de précarité, et le galérien a aussi, tu vois, cette espèce d'image. Tu trouves que c'est romantique? Il reste artisan, bah oui, le gars qui lance son projet, qui reste tout seul, qui continue d'être sur le terrain, et à un moment donné... Il ne peut pas se blesser, il ne peut pas être malade parce qu'en fait, il n'y a aucun garde-fou à son activité. Il y a quelque chose de très, en tout cas, apprécié dans cette image-là. Moi, je l'ai pu l'entendre autour de moi, le fait d'avoir des personnes, d'employer des personnes, il y a tout de suite d'autres images qui arrivent à tes oreilles. Et en plus... C'est quoi ces autres images? C'est l'image du sale patron, quoi. Mais non, moi j'ai pas parlé de sale patron. Moi. T'as mentionné ça. Je dis que dans l'imaginaire populaire et. Non, moi j'ai pas parlé du sale patron. J'ai parlé de l'équation, quoi. J'ai parlé de l'équation. Est-ce que, par exemple, dans une société écologique là dont on parle, si demain c'est la merde, si on veut polluer moins, mais tu sais qu'il va falloir radicalement changer nos vies. Hein. Est-ce qu'il faut faire si gros? Est-ce qu'il faut faire autant? Est-ce qu'il faut faire... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire aussi. Tout à fait. Et ça, c'est clair que par rapport... oui, cette question-là, aujourd'hui, elle est... En fait, il n'y a personne qui ose vraiment la mettre sur le devant de la scène. C'est cette question de... de décroissance de l'activité globale. C'est qu'en fait, l'équation environnementale, elle ne se résoudra pas à confort égal. Ça, c'est sûr. Après, on a assez peu de leviers sur cette question-là en développant une activité économique. Je ne comprends pas ce... Je pense que... Dans le cas des vélos, par exemple, c'est des vélos électriques. Ouais. Parce que c'est charge lourde, tu vois, évidemment. Mm-hmm. Mais si j'ai bien compris, dans la batterie, il y a du lithium, qui est un métaux rare. Alors peut-être qu'il y a moyen d'inventer autre chose. Hein, moi, j'en sais rien, je ne suis pas du tout un ingénieur, mm-hmm. quoi. Qui vient d'Afrique, tu vois. Est-ce que dans une société... où on réfléchit à une manière plus juste, plus sobre. Voilà. Après, il existe peut-être des dynamos pour faire marcher ce bazar. Hein. Moi, après, tu sais, c'est une histoire de vente, hein, de business. C'est un business entre l'Afrique et l'Occident pour créer des choses dont on pourrait inventer une autre manière de fonctionner qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus juste aussi. Ça me parle, je pense que c'est important de soutenir et d'être à l'affût, en tout cas, de dynamique et de manière de faire qui vont être plus respectueuses à tout niveau. La question des vélos électriques et de leur batterie au lithium, elle est néanmoins relativisable par rapport à la camionnette que le vélo remplace. Et c'est une démarche. C'était dans l'idée, moi je m'en fous, c'était dans l'idée de se dire plus gros, vous voyez, genre j'ai un petit truc, puis je le veux plus grand, puis encore plus grand, donc c'est toujours cette copie du monde capitaliste, hein. C'est genre je veux faire plus de profit, je veux avoir plus de pognon, et encore maintenant c'est vraiment les actionnaires qu'il faut renflouer, c'est pas redistribuer, c'est mis dans des... paradis fiscaux. Et donc, si on est vraiment dans un système à vouloir que ce soit plus écologique, plus juste, plus social, c'est ça aussi l'idée. Est-ce que, alors... Je crois que c'est un sujet très vaste. Et il y a un schéma, je ne veux pas dire global, mais je dis global pour dire une évolution humaine. Ça veut dire... le système capitaliste, voilà, on sait bien, ça implique des guerres et les injustices plus grandes qu'on peut connaître si on regarde l'histoire. Mais aujourd'hui encore, hein. Oui, c'est des guerres économiques, quoi. Ça continue. Mais de toute façon, si on regarde la quantité de morts qu'il y avait avant, et à l'âge l'espoir de vie qu'il y avait les gens avant, et maintenant ça a augmenté énormément. Il y a beaucoup de maladies qui se sont arrêtées, mais c'est vrai, ça veut dire l'espoir de vie, il a augmenté en tout le monde, parce que évidemment, la population du monde est là, augmentée. Oui, mais partout, pas partout sur la Terre, hein. Non, pas partout, mais en tous les pays, ça a changé. Et c'est pas pire qu'avant, maintenant. Ça veut dire, on peut maintenant avoir des projections à améliorer. Maintenant, on peut être plus critique. On a plus de possibilités à être critique. Et avant, ça n'existait pas. Ça veut dire, si on regarde, par exemple, le nombre de naissances, le nombre de femmes qui mouraient dans l'acte de la naissance, et la quantité de ces êtres humains qui réussissaient à naître, à vivre. Les gens qui arrivaient à avoir... Francisco, parce que sinon on s'y perd, oui, mais voilà, pourquoi tu parles ça? Tu défends le monde moderne, la civilisation? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça, en fait? Non, j'ai dit que... on peut pas changer radicalement le monde, hein. Pourtant, le monde a changé. Hein. Voilà. Il a radicalement changé au temps des cavernes. Oui, hein. Oui, voilà. Mais ça veut dire... Mais oui, oui. Évidemment que ça a changé. Mais je veux dire... oui, j'entends c'est que... C'est mieux d'accompagner, peut-être, de ne pas avoir une vision catastrophique et c'est frustré parce qu'on ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Eh? Ça veut dire, je pense pour moi, que la manière d'échanger les mondes qu'on habite, c'est en même temps de l'accepter. En premier, je l'accepte, et après, voilà, parce que moi, je dois m'accepter. Moi, je suis quelqu'un qui des fois, je mange de la nourriture industrielle. Et... Bah, moi aussi, c'est pas ça. Voilà. Évidemment, voilà. On est obligé de faire avec le monde qui est là, ça c'est sûr. Et on a besoin de gagner notre vie, et on a besoin de travailler. Et perdre, c'est être perdu. Perdre, qu'est-ce que tu veux dire? Et perdre, ce n'est pas avoir un projet qui te donne l'espoir de sentir que tu peux évoluer et pas dans les mêmes paramètres d'avant ou strictement capitaliste avoir une maison plus solide, plus grande, et avoir non une voiture. Deux piscines, trois toilettes. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Mais moi, ça... j'ai envie de revenir il reste 5 minutes à la question de base qui était en tant qu'activité, en tant qu'entreprise, en tant qu'activité économique, quels sont à un moment donné les choix qu'on peut faire ou pas pour respecter nos valeurs. C'était ça. Et moi, de toute cette discussion, ce que j'ai envie de retenir, c'est que en fait, je me sens en partie à être dans une certaine acceptation du monde comme il est. Parce que je ne pense pas qu'être radical du point de vue de gérant d'une entreprise ou en tant que coopérative, si on est radical dans nos choix, je ne pense pas que rester embryonnaire au niveau économique ou carrément se dire ben voilà, y a pas les clients qu'il nous faut et donc notre activité s'arrête, je pense pas que ça contribue en quoi que ce soit à faire évoluer les choses. Et donc oui, y a un peu un juste milieu pour moi à trouver là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une critique à faire du système dans lequel on évolue et qu'il n'y a pas une série de conséquences auxquelles on va faire face tous ensemble par rapport à ce qu'est en train de créer ce système dans lequel on évolue. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment comment rester radical, notamment au niveau des clients qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, va nous permettre de développer le projet qu'on développe en fait. Et je suis plutôt tenté à être en contact avec ces clients, à entendre aussi qu'ils sont dans une remise en question. Voilà, personnellement, par rapport à quel était mon état d'esprit avant, c'est plutôt là que je me situe. Et se concentrer sur quoi nous, on a un pouvoir d'action. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise nous en tant que coursier wallon, comment est-ce quelque chose on peut faire. Et c'est comme je te disais tantôt hors micro, j'aime bien aujourd'hui aussi ne pas imposer de choix ou de me dire à un moment donné on va travailler peut-être pour tout le monde, mais qu'à un moment donné notre client a le choix au final de où est-ce qu'il commande ses courses. Et est-ce que c'est à nous de faire la promotion de plus de l'un ou de l'autre ? Personnellement, oui, je le ferai, parce que je partagerai les convictions que j'ai ou les valeurs que j'ai par rapport à tel ou tel projet. Mais là, je me perds un peu quand tu parles de deux clients. Qu'est-ce que On t'a cité Lidl ou on a cité Paysan Artisan. On pourrait les prendre comme deux acteurs de la production, enfin en tout cas de l'alimentation. Je dirais que j'ai personnellement mes convictions de là où j'ai envie de faire mes courses et j'ai personnellement mes convictions de à qui je souhaiterais rendre plus accessibles nos services. Est-ce que c'est pour autant pour ça ? Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais essayer d'imposer ce choix-là à leurs clients respectifs, aux clients de Lidl ou aux clients de Paysan Artisan, de le convaincre de « écoute, va plutôt là, va plutôt là ». J'estime que ça sort du champ d'action de notre société. Ah quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que... Non, moi je parlais... Oui, non. Je ne parlais pas de ça. Oui, genre, on va forcer les clients à plutôt consommer du Lidl ou bien du... Ah mais non. Moi, j'imaginais même pas ça une seconde. J'imaginais plus... Est-ce qu'on va travailler pour Lidl ou pas ? C'est ça que tu voulais dire ? Ben, en travaillant, par exemple, pour Lidl, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Je balance le truc, j'ai pas la réponse. Mais ça pose des questions, voilà. Faut pas faire comme si ça n'existe pas. Ou bien, mais oui, c'est pareil. Genre, que ce soit paysan, artisan ou Lidl, c'est pareil. Je dis pas que c'est pas pareil, que c'est pareil. Mais par contre, là où nous, on propose un service de transport, je dirais que notre choix, il est... Est-ce que ceux dont on ne cautionne pas l'action, on les laisse faire en camionnette ? Ou est-ce qu'on fait leur transport ? Aujourd'hui, je suis plus à me dire, notre boulot est de proposer du transport vert. Ça ne veut pas dire que je marque mon accord avec toute l'action de cette société. C'est repositionner le curseur plus là, quoi. Ouais. Je comprends mieux. Mais non, moi, je n'ai pas la réponse. Et surtout, bah, c'est votre rayon, c'est votre domaine. Donc, du coup, j'avais envie de poser cette question. Tiens, est-ce que vous vous posez des questions quant à un paysan, comment, j'oublie chaque fois. Paysan artisan ou bien un Lidl, quoi. Tiens, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Ben voilà, maintenant je l'ai bien entendu. Je pense que tu as tout dit par rapport à ça. Ben j'ai envie de conclure en disant que je suis très heureux de bosser pour Lidl. Clairement. Parce que ça ramènera de la thune. Parce qu'ils distribuent de la bonne bouffe. Ben j'ai envie de le dire autrement. C'est parce que ça amène du volume d'activité qui nous permet de consolider et de solidifier les emplois qu'on a créés. Alors... Oui, la thune permet ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Oui, et on ne va pas acheter des camionnettes pour satisfaire Lidl. On les fera en vélo. Ou d'une manière qui nous permet de conserver notre profil. Mmh. Voilà. Bah, merci, vous deux, ça se termine. Hein. Un dernier mot. C'est terminé. Non, je vais laisser la main à Fernando. J'ai pas vraiment de conclusion là. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, une pote comme ça, qui me disait, bah ouais. Et on est quand même, on était différentes comme ça. Elle me disait, ouais, j'espère gagner plein de thunes. Je dis, ouais, vraiment. Enfin, quelle ambition. Enfin, mais attends, la thune, ça permet de faire plein de choses. Hein. Je dis, ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui marche dans le monde. Hein. Tout le monde veut avoir plein de thunes pour faire ce qu'il a envie. Quoi. Ça a marché, le truc. Ouais. Bah, si une conclusion serait peut-être de rester avec cette question du pourquoi. Pourquoi plein de thunes? Pourquoi grandir? Pourquoi... Et cette question de est-ce que ça correspond aux valeurs que je défends, hein, parce que voilà, c'est les valeurs que je mets et qui... Parce que c'est avec ces valeurs que je me projette dans un avenir que je souhaite plus, quoi. Et donc c'est ces liens-là. Je pense que la chose à ne pas perdre, c'est ce lien avec tout ça, pour toute décision qu'on prend, finalement. C'est sûr. C'est sûrement là. Mmh. Ouais. Merci, vous deux. Merci à toi.